Nous sommes lundi 4 janvier. Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. Trois personnes mortes, trois autres blessées dans une embuscade tendue la nuit de ce dimanche à Muhabo, en commune Mugamba de la province Bururi. Cette personne est déjà arrêtée, indique la police nationale. Des irrégularités relevées dans la gestion de la Fondation pour le logement des enseignants FLE, constate l'inspection générale de l'État. Et le cabinet civil à la présidence de la République du Burundi réagit dans une correspondance. Ce 4 janvier, c'est la journée mondiale du braille. Dans cette édition, vous suivrez un reportage personnalisé sur un étudiant dans la faculté de psychologie à l'Université du Burundi. Et la chronique sportive de ce lundi nous parle de l'arbitrage du boxe. La mise en onde de cette édition est assurée par Eli Kadogo. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page éducation pour débuter cette édition. L'État devrait revoir à la hausse les subsides alloués à la restauration des élèves internes qui sont de 800 francs burundais par jour et par élève. Vu que les prix des denrées alimentaires ne cessent de grimper sur le marché, certains directeurs d'école à régime d'internat dans la ville de Gitega s'expriment au moment où le deuxième trimestre de l'année scolaire 2020-2021 a débuté ce lundi dans tout le pays. Ces directeurs demandent que ces subsides soient disponibles à temps. Le point avec Arthur Kavaouchi. Au moment où le deuxième trimestre de l'année scolaire 2020-2021 a débuté ce lundi, certains directeurs d'école à régime d'internat de la ville de Gitega disent que c'est l'État qui octroie les subsides et qu'ils cherchent là où se ravitailler. Cependant, ces directeurs indiquent que l'État n'a pas encore octroyé ces subsides pour restaurer les élèves durant ce deuxième trimestre et qu'ils se débrouillent avec le Minerval ou bien sur le stock qui est resté durant le premier trimestre ou bien même d'autres contracts de crédit. Ces directeurs soulignent que même si ces subsides seraient disponibles, les prix des denrées alimentaires continuent à grimper sur les marchés, comme un kilo de haricots qui est entre 800 et 2000 francs bou et le riz à 2000 francs bou le kilo. C'est difficile pour eux. Ils demandent à l'État de disponibiliser à temps ces subsides et de les revoir à la hausse, étant donné que 800 francs par jour et par élève, c'est très peu vu le rythme de la hausse des prix des denrées alimentaires. Le deuxième trimestre de l'année scolaire 2020-2021 qui a débuté ce lundi dans tout le pays va durer 3 mois. Depuis Gitega, Tukavabushi, Radio Sanganiro. De Gitega, rendons-nous en province Bururi pour parler sécurité. Trois personnes tuées, fusillées puis calcinées, trois autres blessées. Tel est le bilan des pertes en vies humaines dans une embuscade tendue à une voiture marque Carina au niveau de Muhabo, en commune Mugamba de cette province la nuit dernière. Les auteurs de ce crime qui sont partis après avoir réduit en cendres ce véhicule ne sont pas encore connus selon l'administrateur communal de Mugamba. Une correspondance signée Jean-Pierre Misago. Les informations obtenues auprès de certains des habitants de la colline Nyakimoni, dans les environs, dans l'un des virages du massif montagneux de Muhabo, indiquent que des personnes armées de fusils, non encore identifiées, ont barricadé la route nationale numéro 7 au moyen des troncs d'arbres pour obliger une voiture de marque Carina, ancien modèle, de s'arrêter vers 19h40 de ce dimanche. Les 6 personnes à bord de cette voiture, qui roulait de Bujumbura vers Matana, ont été obligés par ces malfaiteurs de leur donner tout l'argent et les téléphones portables qu'ils avaient sur eux avant de leur tirer dessus par balles et incendier à l'essence le véhicule. Selon ces mêmes sources, 3 personnes, dont une n'est pas parvenue à sortir de son véhicule incendié, sont mortes sur le champ et 3 autres, dont une qui pouvaient encore parler, se sont dispersés dans la nature, selon Venuste Nahombaye, administrateur communal de Mugamba, qui s'est rendu aussitôt sur le lieu d'embuscade. Jusqu'à 11h de ce lundi, les auteurs de ce crime n'avaient pas encore été identifiés. Selon l'administrateur communal de Mugamba, à part quelques cas de vol de bétail et cet incident de ce dimanche soir, la sécurité est globalement bonne dans cette commune depuis septembre 2020 et demande à la population de la place de la sauvegarder en informant à temps l'administration et la police en cas de suspect. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Les informations de cette embuscade sont confirmées par le porte-parole du ministère ayant la sécurité dans ses attributions. Pierre Angouli qui informe que sept suspects sont déjà appréhendés pour enquête. Et pour rappel, une autre embuscade a été tendue à la colline Buhoro de la commune Mugongo-Manga en province de Bujumbura la nuit du 30 au 31 et une dame est morte et trois autres ont été blessés. La police a indiqué que deux des trois bandits en tenue civile ont été arrêtés avec deux fusils, un sachet de médicaments et un bidon contenant un litre d'essence. Jusque-là, les enquêtes continuaient pour interpeller tous les suspects selon toujours la police nationale. Parlons droit des enfants. À présent, il est strictement interdit d'enregistrer un enfant comme né en prison. Pour protéger son droit, on l'enregistre comme né dans le quartier ou colline où se trouve la prison. Aloïse Habonimana, directeur de l'administration et juridiction à la Direction générale des affaires pénitentiaires, fait savoir que la direction de la prison doit s'assurer également que l'enfant a suivi rigoureusement le calendrier vaccinal. Le point avec Fidèle d'Antoine Sabiman. C'est dans le cadre de la protection de l'enfant né en prison qu'il est hors la loi d'enregistrer l'enfant comme étant né dans la prison. C'est ce que révèle Aloïse Habonimana, directeur du département des affaires administratives et juridiques dans la Direction générale des affaires pénitentiaires. Pour Aloïse Habonimana, ce serait une sorte de stigmatisation qui pourrait rendre mal à l'aise l'enfant à l'avenir. Selon toujours ce cadre du département des affaires pénitentiaires, l'enfant est enregistré comme étant né dans le quartier ou la colline où se trouve la prison. Aloïse Habonimana fait savoir aussi que la femme incarcérée étant enceinte doit être suivie comme toute autre femme en suivant tout le programme de la consultation prénatale et postnatale. En ce qui est du régime alimentaire pour les nourrissons nés en prison, Aloïse Habonimana affirme qu'il existe un traitement spécial. Les nourrissons sont des enfants qui n'ont rien fait mais qui sont avec leur maman poursuivie ou condamnée ou dont la maman engendre est en prison parce qu'il a été incarcéré en état de grossesse. Et ces enfants, leur traitement est un traitement spécial. On leur donne de la bouillie, on leur donne dans la mesure des plus possibles des fruits, on leur donne des légumes pour justement qu'ils aient une croissance semblable à celle des enfants qui sont à l'extérieur. Docteur Jacques Niyonguru, cadre du département de la demande et de l'offre des soins au ministère de la Santé publique, fait savoir que les enfants qui sont nés dans les prisons ne sont pas épargnés par le calendrier vaccinal. Les enfants qui sont dans les prisons ou dans les cachots, qui doivent continuer le calendrier préconisé par le ministère de la Santé, notamment le calendrier vaccinal, ces enfants ont le solde des prisons, donc on les soit avec la maman, soit un responsable du service social, et on l'amène au centre de santé qui est tout proche, qui a les intrants en rapport avec le besoin identifié en centre de santé. Et donc, il n'y a aucun retard ou une absence d'administration du programme démarré, en l'occurrence les vaccins. Tout ce qui est prévu pour ces enfants, ils doivent les bénéficier sans souci. Selon Dr Jacques Niyonguru, s'il y a l'un ou l'autre médicament qui manque dans le stock du centre de santé de la prison, ce centre réfère le patient dans le district sanitaire où se trouve la prison. À 13h05 dans les studios de la radio Isanganiro, parlons gouvernance. Le cabinet civil de la présidence de la République du Burundi demande au ministre ayant l'éducation dans ses attributions de recouvrer les montants indûment perçus par les fonctionnaires non éligibles au crédit de la Fondation pour le logement du personnel enseignant FLE pour les retourner dans les caisses de la Fondation. Selon une correspondance du dit cabinet, l'inspection générale de l'État a relevé dans son rapport plusieurs irrégularités dans la gestion de la Fondation FLE. Le point avec Aubin Niyonguru. Le rapport de l'inspection générale de l'État montre qu'il y a beaucoup d'irrégularités dans la gestion de la Fondation pour le logement des personnels de l'enseignement FLEI, selon la correspondance du cabinet civil du président de la République. Certaines de ces irrégularités portent sur le cadre légal, réglementaire, la gestion administrative, la gestion de la trésorerie, la gestion des crédits ainsi que l'acquisition et la cession des véhicules de la Fondation. Dans la même correspondance, le chef du cabinet civil du président de la République demande au ministre ayant l'éducation dans ses attributions d'user de tous les moyens pour recouvrer les montants indûment perçus par les fonctionnaires actuels ou anciens ainsi que les dettes accordées aux personnalités non éligibles au crédit de la FLEI pour les retourner dans les caisses de la dite fondation. Il a aussi été demandé d'établir les responsabilités dans la malversation des biens de la fondation et exiger aussi une revue du cadre légal permettant l'adaptation des statuts pour assurer la protection de son appui financier et de l'épargne des enseignants. Le conseil d'administration de la Fondation devra aussi séparer les intérêts de la Fondation de ceux de la coalition des syndicats concessionnat pour ne plus désorienter les enseignants. Aubin Niyonguru, je vous l'annonçais en titre, ce 4 janvier, c'est la journée mondiale du braille. Dans cette édition, on fait un reportage personnalisé sur un étudiant de la faculté de psychologie à l'université du Burundi. Il s'agit de Régis Wigirindavi. Il s'est entretenu avec Armel Moutour. Régis Bizindavi est un étudiant qui a fait ses études secondaires au lycée Notre-Dame de la Sagesse de Gitega et a réussi à l'examen de l'État. Il est aujourd'hui étudiant à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à l'université du Burundi. Il nous relate l'accueil qui lui a été réservé à l'université au campus Kamenge. Le matin n'est pas encore disponible, mais ils m'ont rassuré que de temps en temps, ça peut être disponible, mais je demanderai que vraiment qu'il puisse fournir tout effort nécessaire pour que ces matériaux soient disponibles, pour que je puisse suivre comme les autres. Parce qu'il y a un mois qu'on a commencé des cours, vous entendez qu'il y a un retard aussi d'un mois. Cet étudiant demande du matériel pour aveugles afin de pouvoir suivre normalement les cours. Le matériel qui est nécessaire maintenant pour l'université, il y a l'ordinateur portable. Cet ordinateur que tout le monde utilise. Dans cet ordinateur, on y installe un logiciel. Un logiciel qu'on appelle JAWS qui permet aux étudiants malvoyants ou bien quiconque qui ne voit pas d'écouter, d'entendre ce qu'il fait sur la machine. Il peut aussi suivre les cours dans cette machine. Il y a aussi une imprimante qu'on appelle un boss qui permet d'imprimer l'écriture dite ordinaire, de le transformer en braille. Bakanibona Jean Chrysostome, vice-doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, dit qu'ils ont bien accueilli cet élève en ce qui est du logement et de la restauration. Il ajoute en outre qu'ils ont un problème de matériel spécifique pour aveugles, mais qu'ils sont en train de trouver solution. C'est un cas spécial puisqu'on n'était pas habitué à ce genre de situation. Et la première chose qu'on a fait dans l'immédiat, on a lui a cherché le logement. Il habite ici au campus et puis aussi une carte de restauration. Pour les études, c'est un problème puisqu'il a besoin des choses nouvelles qu'on n'a pas dans l'immédiat. Voilà. Mais la question est connue au rectorat. Le recteur, il sait. Madame la doyenne de cette faculté a dit que cette semaine, il va chez le recteur pour lui expliquer l'urgence, peut-être pour essayer de résoudre la question. Donc, prendre les notes. Et ce qui est nécessaire pour que le lycée Sénédé puisse accepter de nous rendre ce service. Le 4 janvier de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du braille, l'alphabet permettant aux aveugles et malvoyants de pouvoir lire et écrire. Armel Moutour et l'association Nabariza militant pour la promotion des droits des prisonniers et de leurs familles se réjouit de la libération des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu et les 50 prisonniers relâchés de la prison de Rumonge. Quant aux prisonniers qui ont bénéficié de la grâce présidentielle en 2019, mais qui n'ont pas encore été relaxés, Jean-Marie Chimilimana, représentant légal de cette association, espère qu'ils vont bientôt être libérés. Suivez-le dans cette traduction française de Jean-Marie Mayonga. Turashimye ko nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yafashe ingingo nziza yo guruhura. Nous saluons la mesure du président de la République qui concerne la libération de certains prisonniers et les journalistes du journal de presse Iwacu. Dans son discours à la nation du 31 décembre 2020, il a annoncé la libération de plusieurs prisonniers dans les jours à venir. Il a confirmé que le désengorgement des prisons est parmi les priorités de son agenda. Vous savez qu'après la libération de ces journalistes, on a aussi libéré plus de 50 prisonniers de Rumonge. Sur cette mesure, nous demandons à la ministre ayant la justice dans ses attributions et à la commission permanente chargée des questions des prisonniers de mettre en application cette mesure dans tous les 11 prisons qui sont sur le territoire national et dans les deux centres de rééducation des enfants en conflit avec la loi pour qu'ils puissent regagner leur famille. Nous sommes confiants que ceux qui ont bénéficié de la grâce présidentielle de 2019, cette mesure les concerne aussi. Nous espérons qu'ils vont être libérés comme les autres. Radio Isanganiro, chronique sport. La chronique sportive, deuxième partie d'aujourd'hui, nous parle de l'arbitrage de boxe comportant à trois catégories. Plus de précisions avec Eric Ndeshimiye, président de la Fédération burundaise de boxe, dans cette chronique sportive avec Marie-Claire Kazenez. La discipline du sport de boxe est subdivisée dans trois catégories, c'est-à-dire boxe éducative, boxe olympique ainsi que la boxe professionnelle. La boxe éducative est destinée aux enfants et l'enfant qui utilise des belles techniques lors des compétitions devient vainqueur. Propos d'Eric Ndayishimiye, président de la Fédération de boxe au Burundi. Il y a trois types de boxe, il y a la boxe éducative, il y a la boxe olympique et il y a aussi la boxe, je dirais, professionnelle. Pour la boxe éducative et l'arbitrage là, comme le round dure une minute. Là, on doit voir l'enfant qui a pu donner un coup, mais qui n'a pas pu faire mal à l'autre boxeur, mais en utilisant une belle technique. Quand il y parvient à le faire pendant une minute pour trois rounds, là, on lui proclame vainqueur. Mais s'il ne parvient pas à donner un beau coup, ou s'il donne un coup qui fait mal, là, on ne donne pas la motivation. C'est l'autre là qui n'a pas pu être violent, qui gagne sur l'autre. C'est dans le respect de travailler la maîtrise de l'enfant face à un combat. Dans la boxe olympique, les affrontements se font en trois rounds dans un délai de trois minutes. Le boxeur qui ne parvient pas à bloquer les coups de son adversaire perd directement le match selon toujours Eric Ndayishimiye. Pour la boxe, je dirais la boxe olympique, on boxe pendant trois rounds et chaque round dure trois minutes. Le boxeur qui a pu donner beaucoup de points et qu'il donne un coup et on ne parvient pas à bloquer, là-bas on totalise les points des juges à l'arbitre là sur les feuilles de pointage et celui qui a plus de points, il devient vainqueur. L'arbitrage de la boxe est professionnel. Se fait de façon électronique par un instrument qu'on appelle en anglais scoring machine. Pour la boxe professionnelle, c'est 12 rounds, on calcule comme ça, mais normalement dans les pays développés, on utilise ce qu'on appelle le scoring machine. Là où il y a des télévisions ici et là, quand on marque un point, ça s'écrit sur le tableau là, tout le monde lit et à la fin c'est la machine qui totalise le scoring machine. Après on voit celui qui est vainqueur. Ce président de la Fédération burundaise de boxe indique que les arbitres qui utilisent ce système d'arbitrage pratique dans la boxe professionnelle doivent avoir bénéficié des formations de la Fédération internationale de boxe. Marie-Claire Kazeneza, voilà, 13h15 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition, mais permettez, madame, monsieur, de vous rappeler les grands titres. Trois personnes mortes et trois autres blessées. Tel est le bilan d'une embuscade tendue la nuit de ce dimanche à Muhabon, commune Mugamba de la province Bururi. Et sept suspects sont déjà arrêtés pour enquête, indique le porte-parole du ministère ayant la sécurité dans ses attributions. Et des irrégularités relevées dans la gestion de la Fondation pour le logement du personnel enseignant FLE, constate l'inspection générale de l'État. Et le cabinet civil à la présidence de la République du Burundi a réagi dans une correspondance. Et ce 4 janvier, c'est la journée mondiale du braille. Dans cette édition, on a fait un reportage personnalisé sur un étudiant malvoyant dans la faculté de psychologie à l'Université du Burundi. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Eli Kadogo qui en assurait la mise en onde, à la rédaction. Je dis également merci. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir. Mireille Kanyangi.